Chiclarna Safton. La nuit des forains, 1953. Ingmar Bergman. Voici une tentative de quelque chose avec trois clins d'œil. Le premier pour Raymond. Je vais aborder le monde des forains, du cirque, de la misère et de la tragédie. Et Ingmar Bergman, le réalisateur qui a le mieux filmé, à mon avis, l'essence du rêve. Bergman, 1918-2007, Suède. À la fin de ses 89 ans, il a été un des plus prolifiques réalisateurs et scénaristes. 21 films et de nombreuses interventions dans d'autres médias. La nuit des forains commence avec une histoire. Une histoire dans une histoire. Un peu comme le manuscrit trouvé de Saragosse. Bergman et Dreyer cheminent de la main dans la transition vers le cinéma sonore. La nuit des forains tourne autour d'un directeur de cirque appelé Alberti. Alberti alimente l'espoir et la joie dans cette troupe pendant des moments économiques difficiles. Le cirque est déjà associé aux forains, mot en lien avec les foires et avec l'ailleurs, avec le nomadisme et la haine de l'étranger. Alberti, bien portant et regard aiguisé, n'a pas un rôle facile auprès de ses camarades. On croit bien faire. Après, on se sent ridicule. En Amérique, là-bas, on parcourt la ville en cortège. Musique et éléphants en tête. Tous avec le sourire. À travers les acclamations de la foule, une voix forte crie le programme. Si on prenait une roulotte et nos plus beaux costumes. Une autre idée. Les comédiens du théâtre Schubert sont ici en tournée. Je leur demanderai quelques costumes. Et ce soir, grand gala. Suivi d'un souper avec du schnapps, du beefsteak et du Chateaubriand. Et du caviar. La promesse du Chateaubriand, telle qu'elle dans le film, c'est-à-dire en français. La promesse du luxe et de la réussite devient le rôle d'Alberti pour pouvoir maintenir éveillé les étincelles de magie dans le cirque. Mais l'esprit Bergman est sombre par nature et le Chateaubriand va tourner au vinaigre. Voici mon deuxième clin d'œil à Poldo, mon ami et fin lecteur de l'écrivain espagnol Vallinclán, bohème et dramaturge qui dessine avec sa plume un univers chaotique et sans pitié des forains dans la région de la Galice. Les difficultés d'argent pour cette troupe de cirque sont filmées dans la contraposition avec le monde du théâtre. Jusqu'à son film Fanny et Alexandre, Bergman montrera une représentation du théâtre comme un frère bourgeois et moqueur des arts populaires. Toute cette désolation va amener le personnage principal vers l'envie des morts. Et voilà mon troisième clin d'œil pour ces petites troupes des radios passionnées maladroits des techniques que, je l'espère, ne sont pas encore endormis. Je ne voudrais pas finir sans aborder la spécialité bergnienne, si l'on peut dire ainsi, car grammaire française et spontanéité espagnole ne font pas souvent bon ménage. Dans le crépuscule, à contre-nuit, sur le flanc d'une colline, des charrettes marchant en file indienne. Image souvenir d'un chef-d'œuvre du même réalisateur, le septième ceux. À pied marchent Alberti et un comédien de la troupe. Cet après-midi, j'ai fait un rêve. J'ai vu Alma qui me disait « Mon pauvre, tu as l'air triste et là. Ne veux-tu pas te reposer ?» Moi, j'ai dit oui. « Tu seras petit comme un fœtus », qu'elle a dit. « Tu dormiras longtemps dans mon ventre. » Je me suis couché dans son ventre. Et là, j'ai dormi comme dans un berceau. Je suis devenu toujours plus petit comme une graine, et puis j'ai disparu.